الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. Dernièrement, on m'a fait entendre des paroles d'Abdelhay. Abdelhay, Abou Ishaq, nous sommes à Kounia. Abdelhay, on le connaît personnellement, il est avec nous à Demedj. D'accord ? C'est un frère, c'est un Minzoumala Ina. Parmi les gens qui étaient à notre époque à Demedj, même il était avant nous. Avant moi, on va dire. Donc on s'est connus, sans vraiment se raconter, mais on s'est connus. Et j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir faire certains commentaires face à certaines de ses paroles. Et là, dernièrement, j'ai encore écouté un audio, une partie, on va dire, c'est pas tout, parce que c'est long, à travers lequel sa haine pour un peuple le pousse à devenir, on va dire, injuste envers d'autres. Et à défendre des gens du faux. Voire pire, de tomber en transgression avec la voix des salafs, la voie qu'il prétend lui-même suivre, à laquelle il prétend appeler. Son attitude laisse apparaître clairement son acheminement sur la règle Hizbiya, qui est l'ennemi de mon ennemi. On dira comme ça. Peut-être pas dans l'absolu, mais c'est ce qu'on ressent. L'ennemi de mon ennemi, mon ami. Et on l'entend constamment ressasser le madakhila, le madakhila, le madakhila. Yaqullah Azza wa Jal, Ya ayyuhallazina amanu, كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oh, vous qui avez cru, soyez justes et équitables, des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous force pas à devenir injuste. Soyez justes, et c'est les plus proches de la taqwa, et craignez Allah, car Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Wa qala subhana, lorsque vous parlez, soyez juste, quand bien même il s'agirait d'un proche. Et respectez l'engagement envers Allah. Suite au verset qui nous appelle à être juste, dans le tafsir, Yaqul ibn Kathir, qala ba'd as-salaf, la yahmilannakum bu'd qawmin ala tark al-'adl, fa inna al-'adl wajibun ala kulli wahid. Que la haine pour un peuple ne vous amène pas à délaisser la justice, l'équité. Car l'équité est obligatoire avec toute personne. Et en chaque personne, et en toute situation. Faqal, qala ba'd as-salaf, ma amilta man asa Allah fika, bimisli ma, ou bimisli an tuti'a Allah fihi. Que tu trouveras de plus exemplaire à travers le comportement à adopter avec quelqu'un qui désobéit à Allah par rapport à toi, que d'obéir à Allah vis-à-vis de lui. C'est-à-dire, autant lui te fait du mal, justement, autant tu seras juste envers lui. Hadha wa al-adl. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce adl, bila shak. Donc, par rapport à ce terme, madakhila qu'il emploie, awwalan hadha laqab fi nazar. On va dire ce sobriquet, cette nomination, elle est à revoir. Donc Allah subhanahu, Ya ayyuhallazina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu inzurna wasma'u, wal kafirin 'adhabun 'azim. Dans le sens où Allah dit, oh vous qui croyez, ne dites pas, favorise-nous, c'est-à-dire ra'ina, ou dites, regardez-nous et écoutez. Et il y aura un châtiment douloureux pour les kuffars. Ce verset, يقول الإمام كثير كذلك نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وأفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا يقولون أو يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص. Que Allah nous a interdit, c'est-à-dire aux croyants, de ressembler aux kuffars. Dans leur façon de parler, et dans leur attitude, dans leur comportement. Et pourquoi par rapport à ce verset-là? Car c'est ra'ina, c'est une chose que les Yahoud disaient. D'accord? Ils avaient pour coutume d'employer des termes qui en dissimulaient d'autres, des sous-entendus, pour amener une moquerie. Donc nous, il nous a été interdit d'agir de la sorte. Donc même si le verset concerne les koufars, on sait que la règle, elle est générale, elle s'applique pour tous. C'est-à-dire que les gens de la droiture ne doivent pas ressembler aux gens du faux dans leur façon de faire. Donc à la base, madakhila, matrelis, comme ils disent, ça c'est un terme qui a été inventé par les Moutadira pour s'en prendre au salafi. Adam Marouf. Donc quelqu'un qui se dit sur la sunna concrètement et qui dit blâmer l'Ikhwan et l'Hizbi, le sectaire comme ils le disent, ben, ils se comportent pas comme eux déjà, dans le faux en tout cas. Et ils appelaient les salafis madakhila pour des sujets sur lesquels, à la base, les gens de la sunna, c'est eux qui ont raison, évidemment. Comme par exemple, sujet du gouverneur, sujet du jarh wa ta'dil, des loudoud, du retour vers les savants, et même dans la façon de faire salat et dans l'habillement. Il s'appelait t'avais le kamis nez au sac, t'as un matrali. Tu fais la salat comme Shir al-Labani dans son livre, t'as un matrali. Et ainsi de suite. Et personnellement, moi, quand j'entendais les gens dire madakhila, je me sentais concerné par eux, il y a bien longtemps. Ainsi que tous les savants de la sunna. Après, pour être juste, oui, en cette époque, on trouve des gens qui se sont trop fanatisés pour Cheikh Rabia. Naam, ça, la yunkiru ahad. Où ils exagèrent dans sa personne. Et lui affilient l'infabilité bilisan al-hal. Yunsibun ilayhi al-usma bilisan al-hal. Ils lui attribuent l'infabilité par la langue des faits, pas par les paroles, parce qu'ils ne le diront pas. Ils savent très bien que dire cela, ce serait du kufr. D'accord? Mais par leurs faits, ils amènent à le rendre infaillible. Certains, ils le font alimenté d'un amour abusif, dû à leur ignorance, de la valeur du suivi du dalil, et autres. Et de l'équité. Et d'autres, et ils sont très nombreux ceux-là, ils le font pour une maslaha, par un intérêt. Pour obtenir une certaine menzila aux yeux des gens, notoriété. Fait da'wa dans la prédication. Pour, comme ils disent ici à l'époque, les petits jeunes, pour être validés, comme on dit. Car on sait qu'une tesquée de charabir, attention, ça donne des galons, comme on dit. Donc t'en as pour se faire accepter, d'accord, à la manière du chef, il se frotter contre Cheikh Rabia. Ou contre les gens qui sont proches de Cheikh Rabia, ainsi de suite. Pour avoir un lien avec lui. Car en réalité, ces gens-là, quand ils sont loin du Shir, tu les vois concrètement s'opposer à des paroles vraies du Shir, dans des certaines masahil, où Shir il a raison, ils n'appliquent pas. Ils n'appliquent pas. Ils transgressent. Donc, pour revenir au sujet de base, Abdelhay, Aslahanallah wa Iyah, il tient beaucoup de paroles qui méritent des réfutations. Ah, franchement, il en a beaucoup. Car l'un de ses problèmes, c'est qu'il parle trop. Il s'éparpille, aborde beaucoup de questions, dont beaucoup ne sont pas de son niveau. Imma ilmiyan, wa imma waqi'iyan. Soit du fait qu'il n'a pas le niveau de science pour aborder certaines questions, ou ce n'est pas toutes, ou d'autres, ça ne le concerne pas. C'est des choses dont il est loin et qui le dépassent. Dont il est mal informé. Malgré ça, il se permet de parler et de débattre et de donner son opinion. Et de là, ça l'amène également, lorsqu'il a un qasd, lorsqu'il a parlé de ses paroles, il fait du talbis, il mélange du vrai avec du faux. D'accord, il y a du vrai dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de vrai. Mais malheureusement, il y ajoute une couche de faux pour emmener les gens là où il veut. Et ça influe beaucoup sur son auditoire. Car son auditoire, c'est pareil, c'est beaucoup de djuhal. Il critique comme étant des djuhal, eux-mêmes sont des djuhal. Des gens fougueux, trop émotifs, adeptes des débats, des polémiques inutiles. On agit كثيرا في هذا الصنف من الإخوة الجهل المركب. Beaucoup d'entre eux, tu verras du jahl murakkab chez eux. Cette ignorance qui est nommée comme étant l'ignorance aggravée. C'est croire que tu penses que tu sais alors que tu ne sais pas. Encore celui qui ne sait pas et qui sait qu'il ne sait pas, alhamdoulillah, lui, il n'y a pas trop de problème. Comme c'est connu. Mais le jahl murakkab, lui, yut'ib. Car il pense savoir et il parle et débat et t'emmène des choses qui n'ont rien à voir. Ou des choses qui ont à voir, mais qui ne sont pas à leur place, ou autre. Trabot. Et je ne doute pas qu'il aura souvent des arguments plausibles en défaveur de ceux qu'il nomme madakhila. Étant donné que beaucoup d'entre eux, comme on l'a dit, sont sous l'emprise du ta'assum. Et du taqlid. D'accord? Ils ne peuvent pas admettre que Cheikh Rabia ait tort. Dans certains de ses jugements. Dont les conséquences, elles furent préjudiciables pour la da'wa à travers le monde dernièrement. Il a eu des jugements sur des gens faux. Voilà, nakul bisaraha. Il a fait un grand travail, on le reconnaît. Il a dévoilé beaucoup de gens du faux, on le reconnaît. Et ça mérite de la reconnaissance pour le travail qu'il a fait. Mais, à partir d'un moment là, il y a eu un changement qui s'est produit chez lui, dans son entourage, et de là, il a commencé à devenir injuste. Car à la base, Cheikh Rabia, son travail, il est mortabar chez nous. C'était un marjia, imam. Mais quand la fitna du Yémen, elle a apparu, Là, on a vu un autre wedge de lui. On a vu un autre wedge de lui. Ou également, ce qu'il y a eu dernièrement comme fitna avec Cheikh Mohamed ibn Hadi, Kazalik. Cheikh Rabi, il a tort. Il faut savoir le dire, il faut savoir l'assumer, il a tort. Et ça a fait beaucoup de problèmes dans le monde. Sans quoi, nous, Cheikh Rabi, si ce qu'on lui reproche, c'est pas ce que lui reproche les Hizbi. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Et parmi ces sujets qu'il utilise pour légitimer ses fausses positions, je parle de Abdelhaï, et des juments inéquitables contre ses opposants, il a cité une personne dans l'audio, quand j'ai entendu ça, wallah, je me suis dit, là, c'est pas possible. La Boud Min Kalam. Il a cité Mohamed Al-Imam, Al-Yemeni. Donc là, j'aimerais faire un ta'liq par rapport à ce Kalam, et c'est court, hein, pour donner un aperçu de l'individu, qui suffira à toute personne équitable et clairvoyante, Inch'Allah Ta'ala, de voir que dans ce genre de masa, il n'est pas fiable. L'homme, il n'est pas fiable. Laisse à l'estikama ou à laisse à la rouge. Donc, il dit... Courageux, au bout d'un moment, ils ont dit non, moi, je ne vous suis pas sur ça. Mohamed l'imam. Mohamed l'imam, il a dit quoi? Pour qu'il devienne ikhwani. Il a dit quoi? Il a dit, ya ikhwa, al-Rawafid, ils ont des armes, ils ont des kadas. Vous voulez nous envoyer à la guerre contre quoi? Et avec quoi? C'est pas vous qui dites partout aux frères qu'il faut pas se battre? Parce qu'ils ont pas de kada, ils ont pas de quoi, ils vont faire la fitna pour rien, d'accord. Mais pourquoi, là, d'un seul coup, le concept de la fitna, il a disparu? Et quel est le rapport entre il se bat avec les chiites ou il se bat pas avec eux, avec il est devenu ikhwani? Et c'est tout le temps comme ça. Déjà, Abdelhaï, c'est pertinemment que Mohamed Al-Imam a été critiqué au Yémen bien avant que Cheikh Rabi ne le fasse lui-même. Par Imam Abul Hassan, car dans le même audio, il parle d'Abul Hassan. Et d'autres personnes. Ils te les font passer, en fait, comme étant des gens de base bien, mais juste Cheikh Rabi les a critiqués. Comme si ces gens-là n'avaient rien à se reprocher de base. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si demain, tu as un policier qui poursuit un petit jeune. Le petit jeune, à la base, c'était un dealer. Il est en délai de fuite. Le policier l'a attrapé, a voulu le corrompre. Le petit jeune n'a pas voulu obéir. Donc de là, le policier a mis le dealer en prison avec des vraies accusations et que les gens maintenant disent, pour prouver que le policier s'était corrompu, on fait passer le petit dealer pour un innocent. Non, c'est un dealer, le petit jeune. Même si l'autre, c'est un pourri, le policier, l'autre, ça reste un dealer quand même. Et bien Abdelhaï l'a fait un petit peu comme ça. Pour faire passer le shir comme étant un injuste, et ben les gens qui ont été critiqués par le shir, ce sont des gens bien de base. Là, Mawa Kaza. Abul Hassan, déjà, Irtisaran, a été critiqué déjà à l'époque de Shamouk Bil, de son vivant, mais dans les assises privées, comme le rapporte pas mal de cet ulama. Ensuite, après la mort de Shamouk Bil, c'est Shah Yahya qui était le premier à parler sur lui, ouvertement. Ensuite, Shah Najmi, Rahimahullah Ta'ala, également, a suivi. Et par la suite, Cheikh Rabi a suivi. Et d'autres ont suivi également. Donc ce n'est pas Cheikh Rabi qui s'en est pris à Abul Hassan comme ça pour le plaisir. Abul Hassan, il y a vraiment des déviances. Là n'est pas le sujet pour les citer. Ensuite, pour revenir au Shahid, Mohamed Al-Imam, lui n'a pas été critiqué de base pour son mawqif par rapport au Houthi, en premier lieu, au Yémen. Mais pour avoir sciemment laissé la vérité, d'accord, lors de la fitna de l'Adani, que Abdelhaï connaît très bien. Et sur laquelle on a connu qu'il était sur la défense de la vérité. Après, les parallèles ou transversales ou les... Je ne sais quoi, ça, on ne sait pas comment c'est. Et comment dire? Donc, Mohamed Al-Imam avait clairement dit que Al-Ardani avait tort. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est retourné lui et tous les machins du Yémen sans en connaître le motif. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont retournés contre Shahaya du jour au lendemain comme ça. Allah, Allah, pourquoi? Al-Muhim. Savoir que, également, Mohamed Al-Imam, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a un takhabbut dans les masa'il de fitan. Depuis l'époque de Cheikh Mokbil, quand Cheikh Mokbil, rahimahullah ta'ala, parlait sur cet ulab qui avait dévié, certains d'entre eux, après les avoir conseillés, ils ont refusé d'écouter. Cheikh Mokbil a mis en garde contre eux. Clairement. Et malgré cela, Mohamed Al-Imam continue à les recevoir chez lui et à faire leurs éloges. Mazakol et Cheikh Mokbil à nous, quand elle est Asab Marbar Mourafaloun, les gens de barbares sont des gens, on va dire, inattentifs, distraits, qui n'ont pas de clairvoyance. L'audio, il existe. Hein. Si des gens le veulent, l'audio, il existe. Sur l'état de birk de Cheikh Mokbil, il faut le trouver encore. Donc Cheikh Moukbil, qui était son cheikh, auprès de qui il n'a étudié que 3 ans. À Damas, il n'a fait que 3 ans, Mohamed Al-Imam, avant d'aller faire son merkez à Marbar. Donc il n'a pas étudié longtemps chez Cheikh Moukbil. Déjà depuis l'époque. Et comme on l'a dit également dans la fitna d'Abul Hassan, Mohamed Al-Imam défendait Abul Hassan de toutes ses forces, en disant, « Ouah, imam, plus vous parlez sur lui, plus je vois que c'est un imam, cet homme-là. » Jusqu'au jour où Cheikh Rabi a parlé, là, ça a été la pression, en effet. Et là, tiens, Abul Hassan, c'est un isbi. Bon, « Hala taqlid ». Puis, il y a, durant la fitna, son livre « Al-Iban », hein, vous savez, qu'on a déjà parlé à de nombreuses occasions, pour ne pas avoir à ressasser encore le sujet. Maintenant, pour revenir concernant l'excuse du que Mohamed Al-Imam ne combat pas parce qu'il n'a pas les armes, « Hadihi, la yusaddiqwa ahadun mimman asha fil Yémen ». Cette parole-là que Abdelhaï veut faire croire que Mohamed Al-Imam y dit, je ne sais pas d'où il l'a prise, d'ailleurs, personne qui vit au Yémen ne va y croire. D'accord ? Mohamed Al-Imam n'est pas un mukrah dans ce qu'il a fait. Dans cette wasiqa qu'il a faite, dans laquelle il dit du kufr, sarih, d'accord ? Il n'est pas mukrah. Il n'est pas sous la contrainte. Car la contrainte, elle a des règles. Et Mohamed Al-Imam ne rentre pas dans ces règles. Voyez ? Ma'an Allah Azza wa Jal qala من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه معذب من الله والمعذب عظيم. Que celui qui prononce la mécréance clairement, c'est-à-dire alors que son cœur est empli de foi sur la contrainte, celui-là vient l'excuser, d'accord, mais la contrainte elle a des règles, et parmi les règles de cette contrainte, que tu ne sois pas en mesure de prendre une autre voie. Mohamed Al-Imam, à Marbar, il n'y a rien. Il pouvait partir de Marbar. Les gens de Demej sont partis de Demej. Après, ils sont partis à Sana'a, ils sont partis de Sana'a. Les machères sont éparpillés dans le Yémen. Ils sont partis. Tu ne peux pas faire face, tu pars. Et le centre de Demej était bien plus nombreux que celui de Marbar. Pour dire qu'ils sont trop nombreux, on était plus nombreux à Demej. Avec plus de maisons et plus de charges que Mohamed Al-Imam. Et pourtant, tout le monde est parti, il faut de l'Aïta Allah, la tête haute. Et ça, tout le monde le sait. L'histoire, elle est connue. Ensuite, les Houthis sont arrivés à Sana'a. Les gens sont partis encore. Mohamed Al-Imam, lui, reste. Ah, on dirait du kufr. Déjà, lui-même, il a dit dans un audio que je n'ai pas retrouvé, mais dans un khutbat al-Eid, il a dit, par rapport à cette wasiqa, il a dit, ma kultu wa hadha khawfan li ahad, lakin tadayyunan, wal amru fi yadi, fi hadha al-ma'na. Il a dit, cette wasiqa, je l'ai signée par peur de personne. Je l'ai fait par esprit de religiosité. Je contrôle mon affaire. Donc, lui-même dit qu'il n'est pas sous la contrainte. S'il l'a fait, il l'a fait par croyance. Taïeb. Dans un autre audio, lorsque les gens de Aden ont repoussé les Houthis qu'ils ont été secourus, voilà ce qu'il dit. Voyez le Moustawa, qu'il dit que cette joie, que ce secours, c'est un secours qui va emmener en enfer, qui est ce combat entre les Houthis et les gens d'Aden, qui ont repoussé, qui sont défendus, d'accord, que ce combat, c'est un combat qui mène en enfer. Et des paroles pour les Houthis, il en a plein, où il les défend, il fait leur éloge. Donc quand au moins t'es moukrah de dire du kouf, au moins tu n'approuves pas, tu ne cautionnes pas. Au minimum. Et kazalik, bin al-Hujjaj al-Ati ma'ana, parmi les arguments qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui sont à Sana'a, encore alors qu'il est. Des massagistes salafis, qui sont encore là, qui font des durus, qui n'ont pas fait ce que Mohamed Al-Imam il a fait. Et ils sont à Sana'a, au milieu des Houthis. Ma'annana nuhib an yakhruju min huna. On aimerait qu'ils partent, mais bon. À tel point que certains d'entre eux, dernièrement, ou il y a peut-être 1 ou 2 ans, les Houthis sont venus, et ont dit, vos massagistes, on va les fermer. Car vous n'avez pas d'autorisation des awqaf, c'est-à-dire des ministères de religieux au Yémen, qui étaient sous leur emprise à eux. Pour dire que nous, les Houthis, on ne vous autorise pas à avoir des massagites. Ensuite, ils sont revenus vers les massagites de ses frères, en leur disant, on vous laisse ouvrir vos massagites à condition qu'un jour sur deux, on permute. Un jour, c'est nous qui faisons la khutba, et un jour, c'est vous. Un jour, vous faites la muhadara, la conférence, un jour, c'est nous. Les frères, ils ont dit sûrement pas. Ils ont dit, soit nos massagites, ils sont à nous, et on fait ce qu'on veut dedans, ou soit alors, vous nous laissez partir, on vous laisse le massagite, on part nous, mais on part en toute sécurité. Akada. Ils ont dit quoi les Houthis au final? Ils ont laissé les frères tranquilles. Alors qu'il est le masjid, il est ouvert. Il y en a plusieurs. Ils sont ouverts, les frères ils sont douloureux. Je ne dis pas qu'ils disent tout ce qu'ils veulent dire, certes, mais en tout cas, ils ne disent pas le contraire de ce qu'il faut dire. ils ne font pas l'éloge des Houthis. Ils ne les vendent pas. Ils ne les considèrent pas comme étant des musulmans. Ils ne disent pas qu'ils sont leurs gouverneurs, qu'il faut leur obéir comme le fait Mohamed l'imam. Ah, donc, ana qouli Abdel Hay, wallah Abdel Hay, taqilla fi nafsik. Car là, t'es un frère, tu rentres dans un sujet dont tu es très très loin. Déjà, tu n'as pas compris et tu n'es pas en moyen de comprendre. Yahi, t'es en France. Ah, c'est passé au Yémen. Au Yémen, il y a des gens de science qui sont là, des machères, qui sont plus savants que toi du WOD, il y en a comment dire en français, géopolitique. Les Houthis, ils les connaissent plus que toi. Le pays, ils les connaissent plus que toi. La politique du pays, ils connaissent plus que toi. Taïeb. Et ils n'ont pas trouvé d'excuses à Mohamed l'imam. Et toi, t'es en France, là, tu trouves des excuses. Juste pourquoi? Pour dire que Charabir lui a imposé, il a rendu Ikhwani, parce qu'il s'est défendu de ne pouvoir combattre les Houthis. Et taqilla fi nafsik. Voilà. Pareil, dans cet audio, voilà, il y a trop de ragots. Du qil, waqal, sans sanad. C'est trop facile de dire ça. Il a fait, il a dit, j'ai entendu, il a été dit. Yeah, c'est pas comme ça que tu vas faire un bayan ilmi. Si t'apportes pas des choses qui appuient ces calls que tu rapportes. Jusqu'à ce que le frère, il arrivait à dire, Abdel Hay, dans cet audio que j'ai entendu, que certains parmi les Madakhira, parce qu'à la base il parle d'eux, en sont arrivés à tuer des machères en Libye, au Yémen. Au Yémen, je suis pas au courant. On est au Yémen depuis, Fadlillahi Ta'ala, près de 17 ans. Quand c'est fait, là, dont Abdel Hay parle, moi là aujourd'hui je suis en France, là, sallallahu alayhi wa sallam, mais les faits, là, dont Abdel Hay parle, là, on était au Yémen. Nous concernant, et on suit la da'wah, l'actualité de la da'wah au Yémen, je n'ai entendu personne dire qu'un des machères du Yémen a été tué par un des madakhila ou une chose qui s'y rapporte. Jamais. Et aucun des machères du Yémen n'y a fait allusion. Donc je ne sais pas, c'est qui ces indiques, d'où ils prennent les informations. « Ma hadha shay, la wujud lahu indana. Wa kama yuqal, ahl Mekka a'lam bi subuliha. » Les gens de Mecca sont plus savants de ce sentier. C'est-à-dire les gens du Yémen sont plus savants de ce qui se passe dans leur pays que les autres. Oui, il y a eu des meurtres, mais les meurtriers n'ont jamais été connus. Et quand bien même ils ont été connus, les soupçons tournés n'ont rien à voir avec l'histoire de Madakhila. C'est des conflits internes, liés à d'autres causes. Ce n'est pas lié à l'histoire de Madakhila, il n'y a rien de cela. Et accusé de genre de meurtre, c'est très très grave. Même s'il n'a pas été nommé de gens, il a fait un sous-entendu qui amène à viser certaines personnes. Al-Muhim. Et là, bien sûr, les gens pris par les awatifs, les émotions, ils le croient. Et ils le prennent pour un cheikh. Il y a Bilal Aleikoum, il y a Jamara, un cheikh qui retweet des femmes avec des profils en mini-jupe. Un cheikh qui commande des combats de MMA ou peut-être même des matchs de foot. Un cheikh qui pense qu'on a besoin de Tariq Ramadan pour refuter les koufars. Et j'en passe. Ala tastahiu ala anfusikoum, vous n'avez pas honte. Voilà, considérer cet homme-là comme un homme de science. Ou un homme de sagesse, هذا يدل على أنكم لا تعرفون من هم العلماء. Cela, ça prouve bien, vous ne connaissez pas ce qu'est les ulama. Vous n'avez jamais côtoyé de ulama concrètement. Peut-être des audios sur YouTube, une assise par-ci par-là, quelques audios, mais concrètement, مجالساتهم وملازمتهم ما عرفتموها. Vous n'avez pas connu ça. Sans quoi, vous aurez directement vu qu'Abdel Hay n'est pas une personne qui mérite ce genre de descriptif. On ne dit pas qu'il ne sait rien. Mais il faut pas exagérer non plus. Et là, pour finir, un tweet qu'on m'a montré, subhanallah, dans lequel, justement, pour encore diffamer ce qu'il appelle de Madakhila, il dit que des gens sont venus s'excuser auprès de lui, soi-disant qu'ils ont connu la vérité. Il leur dit, oui, tu t'excuses auprès de moi, mais il faudrait également t'excuser auprès de un tel et un tel et un tel et un tel, en citant des gens qui sont connus pour des égarements, meurent sur les égarements, et parmi eux, le clou, Al-Qardawi, ya subhanallah. On arrive au stade où il faut s'excuser d'avoir parlé sur Al-Qardawi. Et depuis quand faut-il s'excuser d'avoir mis en garde la Oumma contre des déviances, des gens égarés? D'où les kutub de Jarh al-Tardil, les salafs, les imams sont encore présents aujourd'hui. Ils se sont excusés auprès de qui? Pour eux, c'était une ibadah de critiquer des gens qui méritaient la critique. Certains même ont été menacés de mort pour se taire. Ils ne se sont pas tués pour démontrer la vérité. Et Abdel Hay dit qu'il faut s'excuser auprès de un tel et un tel et un tel. Comme encore le Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr ya'muruna bil ma'ruf wa yanha'una 'anil munkar ulaika humul muflihun. Que soyez-vous une communauté qui appelle au bien et qui interdit le mal. Et ce sont ceux-là qui réussissent. C'est qui les réussissent? Ceux qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Et ça rentre dedans la mise en garde contre les gens du faux. Ya subhanallah, un dédié comme Kardawi. Kardawi, c'est quelqu'un, alhamdoulilah, le frère Mounir a déjà énuméré pas mal de ses erreurs. C'est quelqu'un, déjà, par certains ulama, il a été kafar, tayyib, d'une part, qui dit que les Nasara sont nos frères, qui appelle à Wahdat al-Adiyan, l'unité des religions, qui a fait l'éloge d'un peuple qui est mort, en faisant dua que Allah le remplace par meilleur, c'est-à-dire pour les Nasara que lui. Même Mohammed al-Imam, il a fait un livre en rod à Kardawi. Même Mohammed al-Imam. Et pour Abdel Haïf, c'est ce qu'ils ont auprès de Kardawi, de l'avoir critiqué. Subhanallah. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit une nasiha, la religion c'est le conseil. Wa ma wa akhilaf al-nasiha al-khiyana. Celui qui ne conseille pas, qui n'appelle pas au conseil, c'est qui va te trahir. Al-khiyana, la trahison. Demander pardon à un dajjal comme Kardawi, mais tu n'as pas honte. Même Cheikh Al-Othaymin, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a entendu les paroles de Kardawi qui l'ont été rapportées, les a jugés comme étant de la ridda, comme étant de l'apostasie qui méritait la peine de mort. Sans savoir qu'ils avaient prononcé. Juste la parole qu'on lui a rapportée lorsque Kardawi a comparé Allah Azawajal et de ses créatures qui avaient été, qui avaient eu des résultats aux élections et qu'il félicitait. Alors que même Allah, s'il était venu sur terre, n'aurait pas, ou départ dans ce sens, voilà, Azubillah, n'aurait pas eu ce résultat. Qal yustatab ou yudrab unuko. Il a dit que le gouverneur, soit il appelle à faire Toba, ou soit il exécute cette parole-là. Après, des rumeurs dit comme quoi, lorsqu'il aurait entendu que c'était lui, cette parole-là, il aurait retiré. Quoi qu'il en soit, la parole, elle a bien été dite. Je ne blâme pas ceux qui l'auront remis l'écran. Et parmi les incohérences de leur dire, aux gens comme Abdel Hay et ses semblables, c'est que tu vas les voir faire des sous-entendus de critiques envers, par exemple, l'Arabie Saoudite, pour les transgressions qu'ils auront commises, certes, ou les Émirats pour leur tadbir avec les Yahoud, le fait d'avoir normalisé avec les Yahoud. Et ça, ce sont des choses, c'est une alliance, on va dire, que c'est une chose, c'est une erreur, ça. D'ailleurs, c'est une erreur. Mais le Kardawi, lui, l'appelle à pire que normaliser. Il appelle à fraterniser. À fraterniser, voyez, à dire que ce sont des croyants, mais lui, par contre, il a droit à la rahma, ya subhanallah. Et regardez bien, en plus, ce qui est étrange, c'est que lorsque c'est pour parler des kuffars, Abdel Hayy, c'est non-musulman, mashallah. Par contre, les madakhila, mujrim, khabith, wakaza, wakaza, je défends pas ces gens-là que, parmi les muta'assibines, non. Mais al-adl, al-adl, tu vois, al-adl, c'est la douceur avec les kuffars et la dureté avec des muslimines sur des choses sur lesquelles ils ont peut-être raison même, parfois. Subhanallah. Ça, c'est la règle. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Hadha min al-hizbiya. Ça fait partie du hizbiya, concrètement. Parce que les gens pensent que le hizbi, c'est celui qui est fermé à tout. Non. C'est quelqu'un qui peut s'allier avec quelqu'un pour une raison qui n'est pas légiférée. Même s'ils sont très nombreux. Et eux, ces gens-là, là, ils s'unissent sur quoi? Sur la haine contre ce qu'ils nomment Madakhila. Ils vont s'aimer pour ça. Si t'es un anti-Batrali, vous allez être copain avec lui. En général. Il y a des gens qui méritent, qui ont des égarements sur qui ne me parlera pas. Pourquoi? Pour les mawakifs similaires aux siens qu'ils ont. Des choses, il sera pas d'accord avec des gens avec qui il parle. Mais il fera pas de BN sur eux. Pourquoi? Car ils ont un attachement. C'est quoi? La haine contre les madakhila. Ça, c'est les unis, ça. Ben, selon ton raisonnement, il y a Abdel Hay, pour finir, est-ce que toi, tu vas demander pardon à Sherabia? Ou pour toi, sera-t-il pire que le Kardawi? Ou les gens que tu as nommés dans ton tweet. Et j'en passe. Al-Nasiha lil-Akh Abdel-Hay. Qul Allah Azza wa Jal. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq. Litahkuma bayna al-nas bima araka Allah. Wa la takun lil-kha'in lil-khasima. On va finir par ce conseil pour le frère. Pour lui ou pour tout autre frère. Qui aurait une attitude similaire. La parole d'Allah dans le sens où il dit. Et certes, nous avons fait descendre sur toi le livre. En toute vérité. Afin que tu juges entre les gens, parce que Allah t'a appris, t'a montré. Et ne sois pas un avocat pour les traîtres. Là, tu jadis le batil. Ne défends pas les gens du faux, quoi qu'il arrive. Khalas, sanaktafi bihaza. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.